Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tuko na salimia kila moja wenu mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Na tunasalimia banduku na wadada biko kumtandao. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Bila kukawia tushimame njo usome wa neno. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 9. Tunachukua kitabu ya Mhubiri sura ya 9. Commençons au verset 9. Tanzia mstari ya 9. Nous prendrons encore Proverbe 14. Kisha tutabeba Mezali 14. Dans son verset 14. Mstari yake ya 14. Nous prendrons en même temps Proverbe 13. Vile vile tena tutabeba Mezali 13. Dans son verset 10. Mumustari yake ya 10. Inclinons nos têtes. Tunamishe bichwa. L'alpha et l'oméga. Alpha na omega. Toi le père de tous les esprits. We baba wa maroho yote. Ce soir, nous venons en ta présence pour exposer nos âmes auprès de toi. Par ta parole et par la puissance du Saint-Esprit, que tu fasses de nous ce que tu voudras. Que nous soyons la manifestation de ta volonté. Tukuye kionekanisho mapenzi yako. Que nous soyons les résultats de l'œuvre du calvaire. Tupate kuya matokeo ya kazi ya Calvario. Bénis chaque frère. Bariki la nduku. Bénis chaque sœur. Bariki la dada. Tous les frères et les sœurs qui sont en ligne. Banduku na badada bote na fata mtandao. Soit avec eux. Upate kuya nabo. Bénis la parole. Bariki neno. Bénis le service. Bariki kazi. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Amen. Amen. Ecclésiaste 9. Mubiri tisa. Verset 9. Musaraki tisa. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Furahi na maisha na mwanamke unonapenda. Jui de la vie. Furahi na maisha. Avec la femme que tu aimes. Pamoya na bibi unonapenda. Pendant tous les jours de ta vie de vanité. Mwakati yote ya maisha yako ya ubadili. Que Dieu t'a donné sous le soleil. Ule Mungu akupatia chini ya jua. Pendant tous les jours de ta vanité. Mashiku yote yako ya ubadili. Car c'est ta part dans la vie. Kwani ni sehemu yako maisha. Au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Katikati ya kazi yako unafanya chini ya jua. Au milieu de tout ton travail que tu fais sous le soleil, mumakazi yako yote unafanya chini ya jua, pendant tous les jours de ta vanité, mumashiku yako yote ya ubadili, la part que Dieu nous réserve, semu yenye Mungu anatuchungia. La portion de la bénédiction que Dieu nous réserve, semu ya baraka ile Mungu anatuchungia, c'est vivre dans la joie, ni kuishi mfua, avec cette femme que toi tu as aimée, pamoya na ule bibi ulipenda. C'est ce que le Seigneur fait avec son Église. Jo ili Mungu eko nafanya pamoja na kanisa yake. Dans Proverbes chapitre 13, Mizali kuminatatu, dans son verset 10, Musari ya kumi, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Ni kwa kiburi tu njo tunalamusha makokotano. C'est par orgueil. Ni kupitia tu kiburi. On excite des querelles. Njo tu kuna lamusha ma. Njo be kuna lamusha. Malamusha makokotano. Mais la sagesse. Lakini ekima. Est avec ceux qui écoutent les conseils. Iku pamoja na bale bio nashikia mashauri. C'est seulement par orgueil. Ni kupitia tu kiburi. Il y a des disputes entre les conjoints. Njo kuku makokotano katikati ya benyikuwa mundoa. Mais les conjoints qui écoutent les conseils de la parole du Seigneur. Lakini mwanaume wala mwanamuke unanashikia mashauri ya Bwana. Ont de la sagesse. Beko na hekima. Il respecte Dieu. Eko naheshimia Mungu. Ils honorent Dieu. Beko naheshimisha Mungu. Dans Proverbe 14, Mumezali 14, la femme sage bâtit sa maison. Musali ya kwanza, mwanamke wa hekima unajenga nyumba yake. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Na mwanamke mpumbafu anapomona nyumba yake na mikono yake. Vous asseoir. Unaweza kula. La femme a toujours typifié l'Église. Mwanamke anekaraka naonekanisha kila mara kanisa. Quand on parle de la femme, wakati wanasema yule ya mwanamke, un homme spirituel voit l'Église. Mutu akiro mara moya ekonona ni kanisa. Quand on parle de l'homme, du mari comme chef de la famille, wakati wanasema bwana kama mkubwa wa nyumba wala chef wa nyumba. Un homme ou une femme spirituelle, mwanaume wala mwanamke wa kiro, voit notre Seigneur Jésus-Christ. Anaona ni bwana wetu Yesu Kristo. Le Saint-Esprit nous a dit hier. Jana Rom Takatif tuambia. Que tous les problèmes que nous avons dans les couples. Ya kwamba mamambo yote tunapata majamaa mandoa yetu. Tous les troubles et toutes les contradictions que nous retrouvons dans les couples. Mamuvuruko na makutano yote tunapata mu mandoa. Ne sont pas liés au travail que la femme fait. Zaidi zaidi ayambatani na kazi ile mwanamke anafanya mnyumba. Les troubles sont liés à l'incompréhension. Muvuruko unatokea ni kukosa kuelewana. Qui existe entre une femme soumise, ile iko katikati ya mwanamke mtiifu, et une femme travailleuse, na mwanamke wa kutumika kazi. L'incompréhension existe entre les termes soumission et travail de la femme. Kukosa kusikilizana kunapatikana ni katikati ya kujitiisha na kazi ile mwanamke anafanya. Voilà ce qui engendre de troubles. Jo enyana litaka mamuzozu muvuruko mnyumba. Toutes les femmes doivent le savoir. Babi banam ki bout bana pas ku yaile. Que tous les travaux que la femme fait dans sa propre maison, ma kazi o te le mwanamke anafanya munyumba yake, ne sont que ses devoirs. Il est ikotuni mapasho yake. Ne sont que ses responsabilités ni madaraka tu yake, pour lesquelles elle répondra devant Dieu. Dieu a ile atasambaka tajibwaka kumbele ya Mungu. Et elle répondra devant les hommes. Na atajibwaka kumbele ya bato. Tous les travaux domestiques, makazi yote ya munyumba, que la femme accomplit dans son mariage, yenye bibi onatimiza munyumba yake ya ndoa, ne sont que ses responsabilités et ses devoirs. Iko tu ni madaraka yake na mapasho yake. Et lorsque chaque femme, toute femme travaille, na mwili wakati kila bibi kila mwanamke anatumika, elle accomplit ses travaux domestiques et qu'on atimiza makazi yake ya munyumba mzuri, elle n'accomplit que sa propre volonté et qu'on atimiza tu ni mapenzi yake, elle travaille selon son plan et qu'on atumika kufatana na mapu yake alipanga. Toute femme, même une femme méchante, ata mwanamke wala bibi wa roho mbaya, toute femme, mwanamke wote, même une femme méchante, ata wa roho mbaya, celle qui n'a jamais été prédestinée au mariage, ule asikutangulia kutayarishwa njia ya ndoa, c'est que travailler c'est son devoir, anayua kusema kutumika munyumba ni mapasho yake. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. Elle ne fait qu'accomplir sa propre volonté. Et qu'on atimiza tu mapenzi yake. Mais la soumission, lakini utifu, à laquelle est attachée l'obéissance, ile inambatana na kuti, se révèle lorsque son chef, son mari, inekanaonekana ni mwili wakati bwana yake chefu yake lui donne un ordre contraire, anamupatia agizo ya kuachana a ce qu'elle faisait, na ile kazi alianza kufanya. Ou lui demande de faire quelque chose, banamlomba afanye kitu moya qu'elle n'avait pas l'envie de faire, kenye akukuye ata na amu ya kukifanya, qu'elle n'avait pas l'envie d'obéir, ashikukuye tayari jua kutii kuile, elle n'avait pas la volonté de l'accomplir, ashikukuye na ile mapenzi ya kufanya ile kazi. C'est à ce moment-là, ni mwile wakati sasa, que sa soumission se révèle. Utifu yake inonekana. C'est vrai, frère. Nibia kweli nduku. Ce qui réjouit le cœur d'un homme, il est nekalaka na furaisha, d'un chef, d'un mari, ya mwanaume chefu bwana, c'est lorsque elle voit sa femme, ni wakati anaona bibi yake, travaillant avec joie et plaisir, anatumika na furaha yote, accomplissant avec plaisir, kutimiza na furaha, l'ordre donné, agizo ile banampatia, ou un travail qui lui a confié, voilà kazi le bwana alimwachia, La femme travaille bibi mwanamke atumika avec joie na furaha, pas avec un cœur triste, hapana na moyo ya kuzunika, pas après avoir d'abord boudé akisha mbele kubishabisha, ensuite elle commence à le faire bi ananza kutumika. Tous les chefs n'acceptent pas ça. Ba chef bote abechika kile. Quand une femme travaille selon le désir et la volonté de son mari, wakati bibi anatumika kufuatana na kutaka na mapenzi ya bwana yake, c'est ça le respect de la femme. Njo heshima ile ya mwanamke. C'est ça la soumission de la femme. Njo utifu ya bibi. C'est ça le charme de la femme. Njo enye urembo ile inakuvuta kwa mwanamke. Envers son mari. Kwa bwana yake. C'est vrai. Bien kweli. Kama unashikia bwana anasema huyu bibi ananiheshimiaka, si vous entendez qu'il un homme dire que la ma femme me respecte, na huyu mwanamke eko akuniti, et ma femme ici est obéissante, na mishi jue cha kufanya na huyu mwanamke, et je ne sais même pas quoi faire avec cette femme. C'est difficile vraiment de la blesser. C'est parce que ce dernier, elle fait tout ce que son mari lui demande, conformément avec la volonté de son mari. Nettoyer les habits. Kufula mavazi. Préparer à manger. Kupika chakula. Faire la lessive. Kufula. Repasser les habits. Kukoma mavazi. Arranger les lits. Kutandika kitanda. Torchonner la maison. Kukolopa munyumba. S'occuper de ses enfants. Kwangaikia batoto yake. Sont des responsabilités. Ile ni madaraka tu. Sont des devoirs. Ni mapashwa. De chaque femme mariée. Ya kila mwanamke mwikiwa mundoa. Qu'elle accomplit sur base de son plan, son programme, et sur base de sa propre volonté. Et qu'on atimiza kufatana na mapu yake na mapenzi yake. Mais il ne faut pas oublier ceci. Lakini mshisabu hii. Une femme est une colombe. Mwanamke ni njiwa. Comme nous l'avons frôlé hier. Pavili jana tulipia usemeze yako. La colombe, Njiwa, a toujours été un symbole de paix. Inekara kapaka alama ya salama. La colombe, Njiwa, a toujours été un symbole de paix. Inekara kapaka alama ya salama. La colombe, Njiwa, est un oiseau, Nindeke ule, qui est vraiment attaché, anekaraka kabisa kabisa mwenye kuambatana, à son mari, na bwana yake, au mal, ku nde colombe mwanaume akiki, et la colombe, na Njiwa, aime beaucoup rester à la maison. Anapendaka kubakia kunyumba. La colombe, Njiwa, est un symbole de la paix. Ni alama ya salama. La colombe, na Njiwa, reste toujours fidèle à son mal. Anekalaka paka mwaminifu kunjua mwanaume. La colombe njiwa aime rester à la maison. Anapendaka kubakia kunyumba. La colombe njiwa est très attentive anekalaka msikilivu sana à ce qui se passe autour d'elle. Kwa bile biote binapitikana kando kando yake. Si vous remarquez, frères et sœurs, la plupart des femmes qui n'aiment pas rester à la maison sont des femmes infidèles, des femmes problématiques. Sont des femmes insoumises, des femmes querelleuses. Et elle est tantôt sur la rue, tout le temps chez les voisins, tout le temps en promenade. Elle abandonne son propre foyer, négligeant les travaux domestiques, ne se souciant ni de son mari, ni de ses enfants. Et dans l'errance, elle attrape de mauvais esprits. Et quand elle retourne à la maison, elle veut appliquer ce qu'elle a vu et entendu ailleurs. Et par manque de sagesse, elle amène du désordre dans son foyer. Ananza kuleta fujo mnyumba yake. C'est vrai, frère. Bya kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Bya kweli dada. Kama unaona mwanamke, si vous voyez une femme, anapenda kuwayawaya sana. Elle veut se promener à tout moment. Elle n'aime pas rester à la maison. Cette femme a l'esprit de prostitution. C'est la majorité des femmes qui tombent dans l'adultère. Et elles amènent des démons dans la maison. C'est comme dans l'église. Somme kanisa. Kama ba membre ba kanisa. Si vous voyez les membres de l'église, abana asidi ku ekalo yabo. Ils ne sont pas assidus dans leur église. Bana penda kuwayawaya dans les assemblées sœurs. Ils veulent errer mu makanisa yetu yefasingire. Bana penda kuja absenter dans l'église. Ils veulent s'absenter au kanisa. Ce sont ces fausses brebis là ni bale ba kondo ba bongo bale qui amènent du désordre dans l'église, qui amènent des faux esprits dans l'église. Un membre d'une église, memba wa kanisa, une brebis du Seigneur, kondo wa Bwana, aime rester dans sa bergerie. Anapendaka kubakia mzizi yake. Derrière son berger. Nyuma ya bachunga iji yake. Dans la maison. Munyumba. Que lui-même a choisi comme sa propre maison. Ile yemunya alichakula kama nyumba yake. Dans cette église qu'elle a choisi comme sa propre maison. Mule kanisa alichakula kama nyumba yake. Là où Il doit soutenir la cause. Mule anapaswa kombania. Mais si un membre est tout le temps absent. Mais la kini kama memba kila wakati ekuna lofo kanisa. Quand le berger parle, enseigne, il n'est pas là. Mwakati le mchungaji kuna enasema ekuna fundisha anamu. Quand les anciens enseignent. Mwakati bazebe kuna fundisha ya anamu. Kule kote kunaenda kuwaya waya. Partout où elle est en train de errer. Il est en train de contracter les démons. Ma pepo mchafu. J'étais là-bas quelque part. J'ai vu, j'étais en train de faire ça. J'étais encore quelque part. J'ai entendu. J'étais quelque part. On fait ça. Il reçoit des démons. Bale et on a poken ma pepo mchafu. L'église est avec moi. Kanisa tout pas moi. Mes sœurs. Ba dadayang. Ba naume. Les hommes. Un véritable mari mwanaume tu bwana wa kweli qui connaît sa position ula nayua mushimamio mushimamo yake qui sait ce que Dieu a fait de lui anayua kile Mungu alifanya naye n'accepte jamais achitikake kamwe qu'il soit comparé avec un autre homme banze kumlinganisha na mwanaume mwingine. Unaenda kutembea kwa sœur, tu pars visiter une sœur. Tu viens maintenant parler avec ton mari. Si ben Jacob anafanya kai. Tu commences à lui comparer, n'est-ce pas, tes amis font ça. Kama bibi anafanya hivi, ba bwana na bosi anafanya kai. Si la femme fait ça, n'est-ce pas, le mari aussi ils font ça. Tu dis cela à ton mari. Unaambia vile bwana yako. Parce que tu l'as vu quelque part. Ninju uriona bio fash fulani. Et vous oubliez. Na unasabu ya kwamba. Quel est le caractère de ton mari? Ya kwa mifano na tabia ya bwana yako. Et du caractère. Inesha kuachana na tabia. De celui que tu as vu. Ya ule urienda kona. Qui est le mari de ton ami? Mwenye kuya bwana yake ya rafiki yako. C'est ça être une femme insensée. Njo bupumbafu kuya mwanamke mpumbafu. Mais une véritable femme, la kini bibio abia kweli, est une colombe ninjiwa, qui aime rester chez elle. Mwenye anapenda kubakia kunyumba yake. Parce que kunyumba, tabu, à la maison, uko makaji mingi ya kufuanya. Il y a beaucoup à faire. Rendez votre maison agréable. Fanya nyumba yako kwe mzuri ya kupendezwa. Rendez votre maison. Fanya nyumba yako habitable. Ipate kwa batu kuikala. Rendez votre maison. Fanya nyumba yako appréciable. Batu waze kuifurahikiwa. Mule batu bote. Bwe napenda kwa kuikala. Voyez frère. Munaona nduku. Voyez ma sœur. Nona dada. Wana nyumba yako. Rendez votre maison. Ikuwe kimvuri ki ce soit l'ombre. Mule ambao ndeke wote anapenda kwaku. Là où pumzikia. Tous les oiseaux ont besoin de venir se reposer. Ata kama bwana yako ana na franga. Même si ton mari n'a pas suffisamment d'argent. Même si tu as une seule chaise. Même si tu manges une fois par jour. Même si chez toi, il n'y a pas de téléviseur. Même si chez toi, il n'y a pas de fauteuil. C'est pas ce que Dieu vous a accordé. Aime-les. Et arrangez ça. Quand il n'y a pas de faillite, Dieu augmentera et il va ajouter. Tu viens dans la maison. Quel genre d'homme, mais c'est quel genre de mari ça? J'ai beaucoup souffert. Je ne sais même pas pourquoi j'avais accepté. Il y avait des hommes honorables qui me draguaient. Je les ai refusés pour accepter un pauvre comme toi. Moi, un homme normal, il va te répudier. Peu importe comment tu peux être jolie, belle comme le soleil, le parole qui sort de ta bouche prouve que auna mwaminifu. Et ton amour à toi est attaché aux choses matérielles. Les jours que tu trouveras un homme, il y a des moyens plus que ton mari, tu trouves un homme mwanaume, un homme, voyez, un séducteur, mutongo, qui a un peu plus de moyens que ton mari, tu abandonneras ton mari et les enfants. Tu as un esprit de prostitution. Parce que tu ne te satisfais pas de ce que Dieu t'a donné. Le bonheur ne dépend pas des biens matériels. Le bonheur ne dépend pas de l'argent. L'amour ne dépend pas des choses matérielles. La femme est une colombe qui reste fidèle à son mari et qui reste, qui aime rester à la maison. Tite chapitre 2. Tito suraki apiri. Tite chapitre 2. Tito suraki apiri. Verset 3. Mustari yakia. À 5. Yatatu. Dites que les femmes âgées. Kusema kwamba babibi bakubwa. Doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Banapashkwa na inje ile na staili butakatifu. Dites aux femmes âgées, Tite chapitre 2, verset 3. C'est là juste. Kapiri, atatu, twiko. Ambia, dites, babibi vale banesha ukomea. Que les femmes âgées, bakuye na inje yao, doivent avoir aussi l'extérieur, iko na onesha utakasu, qui convient à la sainteté. Hapa ni namna kujipamba. Là, c'est la façon de s'habiller. Namna ya kuvwala. Comment s'habiller. Namna kujipresenter mbele ya bantu. Comment se présenter devant les hommes. Sawa mwanamke mukristu. Comme une femme chrétienne. Il faut kuvwala. Tu dois t'habiller. Namna ya kurefleter. D'une manière à kuonesha. Utakaso. La sainteté. Ya neno uko nafundishiwa. De la parole qu'on t'enseigne. Tu es allé regarder de modèles de prostituées d'une femme incrédule dans l'église. Et tu viens maintenant presser ton mari afin de te payer des pagnes, afin de te payer des robes et des jupes, tu puisses faire ça d'une manière mondaine. Non. Dites que les femmes âgées ambie banamuke ben kromea doivent avoir l'extérieur banapasa qui convient à la sainteté. Na inje yabo ile na staili ina staili na eneana na utakaso ni être médisante wala bashikuye bakubeula ni à donner aux excès de vin, du vin. Voilà, bakujatiria muvinyo de amingi. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Banapasha kuleta madibisho mafundisho mzuri. Ce n'est pas qu'elles doivent être prédicateurs. Aina kusema banapasha kwa baubiri. Mouvoirio yabo, leur accoutrement yabo, et leur comportement, ikuye mafundisho, que ça soit vous l'enseignement à ces jeunes dames, ceux qui sont en train de les regarder, celles qui sont en train de les regarder, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, ya kufundisha kubabinti, à aimer leur mari, bapate kupenda babwana yabo. Et leurs enfants. Na batoto yabo. Mapendo ya mwanamuke. L'amour d'une femme. Iko naonekana mutifu yake. Se révèle dans l'obéissance. Mapendo ya mwanamuke ku batoto yake. L'amour de la femme envers ses enfants. Iko naonekana. Se manifeste. Mumanga iko. Dans. Il est qu'on a foigna du ya le bien-être de ses enfants. Elle se préoccupe du abizuri de watoto yake. Pas une femme. Pana mwanamuke bibi. Unaenda musoko. Vous allez au marché. Unakula mioko na kalanga. Vous mangez les cacahuètes avec les manioc. Vous mangez les beignets au marché. Unakula tunyama twa kuchoma. Vous mangez le mitopo, la miskel au marché. Vous mais unakuya. Les patates Tu viens à la, tu rentres à la maison, tu n'as même pas les soucis. Qui est cet argent ici, mes enfants vont se nourrir comment? Une femme, mouema, une bonne femme, vertueuse, si elle a peu d'argent, elle n'est pas égoïste, elle va payer les choses, même si elle peut payer, mais toutes les choses qu'elle va payer, elle va fournir ses efforts afin que ses enfants et son mari puissent manger cette nourriture. Sababu beko mumoja. Non pas que moi d'abord je puisse manger, que puis me rassasier, et les enfants sont en train de déranger. Et je vais commencer à prendre soin d'eux. Il est une femme méchante. Je suis pendelé, je suis en Roubaïa, je suis en Zoukoutenda, je suis en Amna. J'apprécie beaucoup maman. Mie, natapaka, nasifaka sana mama yangu, mzazi. Ce sont des femmes qui n'ont pas grandi avec la parole. Ni bab namu kebenya ba komata na neno. Kama nenda arantu fona kataka manenda. Elle faisait même si elle quittait la maison. Kula nenda kula na mukaburia kabintu. Là où elle part, on peut la donner quelque chose à manger. Atakosa atakura kiloko. Elle va manger un tout petit, et le reste, elle va ramener ça à la maison. Lorsqu'elle va s'asseoir, elle n'a pas de parti pris. Tous les enfants qui sont dans la maison, elle prendra un peu. Souvent on disait à maman, tu peux même manger seul. Elle nous disait, en dialecte Luba, Asema, la mère des enfants, elle ne prend pas beaucoup de poids à cause de la quantité de la nourriture qu'elle est en train de manger. La poule qui a des enfants, des poussins, elle prend soin de distribuer ce qu'il a un peu. Maintenant, parler par affection de leur mari. Kupitia tu mapendo wa bwana yake. Mama par affection de son mari. Mama kupitia mapendo wa bwana yake. Kama papa na hapo. Si papa n'est pas là. Anaisha kumkaburia. Après avoir partagé. Kipande, il va prendre. Anaenda kufichika mchambre. Une partie, elle ira cacher dans la chambre. Kama baba ka bwana yake. C'est pour son mari. Je kule ku tulijuaka le terme asime kabana balale. Kabana balale. C'est là où on avait appris les termes que attendez d'abord que les enfants puissent dormir et tu vas donner à ton mari. Parce que si tu donnes là où il y a les enfants, nos parents, elles n'avaient pas la parole de Dieu. C'est une éducation naturelle. Il y a quoi tout ma fondue sur la vous, madame, et vous les frères, vous avez tous les jours qui la chique. Les dieux tout puissants qui a créé laissé la terre, qui vous enseigne, qui vous conseille. C'est très grave. Ni atari kabisa. Croyez frère. On a un andouku. Croyez sœur. Non adada. Dans le but d'apprendre. Mukifukuzi yo kufundisha. Aux jeunes femmes, babiana, ba mama, à aimer leur mari et leurs enfants. Kupenda, ba buanaya, buanaya, buona, verset 5. À être retenu. Bapate kuwa na kizuizu. Non, non. À être retenu. Bakuye occupé na makaje. Retenu. Bashikwe na makaje ya kumulangu. Ils sont retenus par les soins domestiques, les travaux domestiques. Benye kushikwa na makazi ya kunyumba. À être retenu. Bapate kushikwa. Chaste. Ils sont, elles sont chastes. Beko. Chastes. Beko. Safi. Non. Ce sont des, elles sont équilibrées dans, dans ce qu'elles font. Beko na mshwa muzuri mubile benafanya. Avec beaucoup de tact et de douceur. Na upole yote na werevu. Oh! occupé aux soins domestiques. Benye kwangaki ya makazi ya munyumba. Bonne. Soumise à leur mari. Benye kuti, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Ishipate kusingiziwa. Une femme mwanamuke bibi a de la retenue. Anekalaka na kuji. Kujizuiza. Une femme ne parle pas Bibi. Quand il a, elle a l'envie de parler. Il est en tout ce qui tombe sous sa langue, sous son esprit, dans sa bouche, sous sa langue, elle doit parler. Non, non. Une femme Bibi. A de la retenue. Vous voyez? Non. Mais quand, lorsqu'elle a l'envie de mal parler. En d'autres termes, une femme mariée, elle réfléchit avant de parler. Avant de parler à son mari, elle doit se retenir d'abord. Avant de parler à son mari, elle se retenir. Avant de parler à son mari, ses amis, et qu'on a ce qu'elle va dire. La Bible en attaque à Kusema. Elle a de la retenue. Et qu'on a qui a Kumuzuiza. Quand il veut parler sur les gens, si ses soeurs, si les frères, si d'autres couples, elle a de la retenue. Elle a de la retenue. Elle réfléchit. Et qu'on a fiki. Est-ce qu'on a tafta Kusema? Et ce que je vais dire. Est-ce que Bitayenga? Ça va édifier. Ça va apporter la paix. Non pas toi, une femme mariée. Tu amènes toujours des troubles dans ta maison. Aujourd'hui, tu réponds avec tes voisins. Demain, tu réponds encore avec les voisins de l'autre côté de la rue. Tu es quel genre de femme? Partout où tu passes. Tu ne quittes jamais sans problème. Quand tu quittes là-bas, il y a toujours des problèmes derrière toi. À cause de votre commérage avec ton mari aussi, il est devenu Wakuchafuka. La femme a de la retenue pour parler, pour agir. Elle est aussi retenue dans sa propre maison, par les soins domestiques. Juu ya makazi ya mnyumba. Parce que injo mapu ya okovu. Njo enye mapu ya okovu. Oui, bien mes frères. Munaona nduku mpendi. C'est ça la voie du sali. Njo enye ya okovu. Njo enye enye ya okovu. Oui, bien mes frères. Munaona nduku mpendi. C'est une femme insensée. Ni mwanamke mpumbafu. Il faut babiana banamuke les jeunes mariés. Elles doivent regarder les femmes âgées. Ils aiment leur mari, ils entretiennent leur mari. À un moment donné, les hommes, il peut se réveiller comme ça, se lever, il prend ses mains des habits sales et puis il part. Une femme sage. Mais mon amour qui est Ekima, mon amour qui est en peine d'abouana. Rentre d'abord. Mais ce n'est pas nos sœurs que nous avons. Frère, qu'on a tombé en pantalon, il se promène avec des pantalons en lambeaux, avec des slips qui se laissent voir. C'est en cours de route qu'on le constate. Frère, quand tu quittes la maison, tu n'as pas constaté. Oh, pour cacher seulement la honte de sa femme. Oh, c'est, j'ai constaté ça en cours de route. Comment toi, une femme mariée, pendant que tu étais en train de lessiver, ou pendant que tu repassais, tu ne vérifies pas que tes pantalons ou la chemise ici, ils sont... Il n'y a pas de bouton, tu ne sais pas contrôler. Maintenant, lorsque le mari rentre, maintenant là où il était parti, vous voyez, slipper, avec des sous-vêtements, les gens ont vu des sous-vêtements et c'est devenu maintenant honteux. Et lorsqu'il rentre sur toi, tu peux lui saluer et de toute façon il va te répondre. Non, il moi, j'ai bien salué ses mains avec toi. Il a quitté ses mains avec des démons là où il est. Mon ami Pumbafu, quand il voit son mari timide là, Là, tu veux nous amener maintenant les démons dans la maison. Tu nous as trouvés avec les enfants en paix. Mais regarde ce que toi tu fais là. Sans connaître pourquoi Bwanayaka a changé humain. Mais comme il n'a pas de la retenue, elle parle comme une insensée. Il peut t'y arriver. Peut-être que tu es oppressé. Ton mari est au Kouaraka. Il quitte avec des tirettes, le pantalon qui n'est pas fermé. Quand une femme est attentive à tout ce qui se passe, et qu'on engarichit sa vie, tu as oublié la traite. Et la femme dit, tu as laissé ça pour séduire encore d'autres femmes. Ce sont des choses comme ça qui créent des désordres. Vous voyez, frère? Non, Nandoko. La colombe Jiwa est toujours fidèle à son compagnon. Elle aime toujours rester à côté de son mari. Elle ne veut jamais aller loin de son mari. Son compagnon. Elle aime rencontrer son mari anapendaka kuwa karibu na bwana yake pendant les saisons d'amour wakati ya mapendo. Vous savez pourquoi? Mnayo ajua nini? La femme n'a pas été créée comme des bêtes. Mwanamke abakumumbe sa nyama. Bansamaki, les poissons, lulu, les insectes, banyama, les animaux, bandeke, les oiseaux. Banekalaka beko na patana. Et il s'accouple uniquement pour se multiplier. Pendant la période de la chaleur, ananza ku dégager l'odeur, ananza ku tosha harufu, qui attire le mal vers elle. Il est ikuna vuta bananyama banaume kwake juu ya kupata tu batoto. Pour avoir des petits. Juu ya kuzala. Il n'y a aucune bête qui va vers une femelle pour le plaisir. Non. Pour le plaisir. Non. La femme est le seul être. Mwanamke ni kiumbe tu kimoya. La seule femelle. Ni mwanamke tu moya. Que Dieu a formé. Ule Mungu aliumba. De manière. Munana. À être à avoir des relations intimes. Ya kupatana mwili. Avec son mari. Na bwana yake. À tout moment. Ni wakati que yote. Que le mari le veut. Ile bwana anamutaka. C'est le seul être que Dieu a créé pour le plaisir de l'homme. Et dans toute la vie de l'homme, il n'y a pas quelque chose qui le rend heureux comme avoir des relations intimes avec la femme qu'il aime. Et ce point aussi est un sujet de trouble dans beaucoup de foyers. Njo ma inaleta fujo sana mumanyufa mwa jamaa. C'est pas la Bible dit. Njo komana Biblia asema. Femme n'a pas le droit de refuser de son mari. Ana na ruhusa kukatala bwana yake na awezi. Aller avec son mari à volonté. Na bwana yake paka pala napenda a volonté. C'est alors qu'elle accepte. Non. Hapana. Ce n'est pas une colombe. Aina njiwa ule. Une véritable chrétienne. Mon Christ soit avec elle. Un véritable chrétien. Mon Christ soit avec elle. Qui à tout moment. En appendant à qui l'avocat. En contact. Où il y a mon patano. Sous l'inspiration. Où il y a chini à ouvrir. Sous l'onction. Chini à ouvrir. Voyez. Où il y a mon pacte. Avec Dieu. Il y a Mungu. Voyez, frère. Non, Nandoko. Les relations intimes. Ma patano à Mumuili. Dieu les a imposés. Mungu arika weka. Dans le couple. Arilazimisha mundoa. Comme une récompense. Sawa maripo. que Dieu a donné à l'homme. Ile Mungu alipatia mwanaume. Au milieu de ces fatigues, voilà ça kuchoka. De ces troubles, mamuvuruko yake. De ces difficultés de tous les jours. Mule magumu yake kila siku. Ça lui fait oublier. Ile ma inamsaidia juu asabwe. Les difficultés de la vie. Magumu ya maisha. C'est pourquoi Dieu kwa Mungu ne fait jamais de reproches awezi akeme yake mwanaume au marié akeme yake banye kwa mundoa au sujet de leur relation intime ou ile naangalia kupatana kwa mwili. Et on ne sait jamais un mari na awezi kumtumikia bwana. On lui donne, on lui offre pas son corps awezi kumpatia mwili yako. Selon ta volonté. Fatana vile unapenda na mapenzi yako. Non. Hapana. Mais faut Frank le dise. Ata ndugu Frank anaisema. Mariage problème ancien. Ndoa mambo ya zamani. Page 25. Ku karatasi yake ya 25. Il n'y a rien d'impur dans le couple, rien de blâmable. Hakuna cha buchafu wala cha kukemea mundoa. Dans le mariage, mundoa, chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Kila mutu asiwezi kufanya kila anapenda. Tout doit être fait en accord l'un avec l'autre. Yote inapaswa kufanyika kufuatana na kuitika kwa mmoja na mwingine. La communion intime du mariage. Ushiriki ya ndoa. Lui a été donné. Ilipewa. Comme une récompense. Sawa maripo. Pour sa fatigue dans sa vie de chaque jour. Juu ya ile mchoko anapataka maisha yake ya kila siku. C'est vrai frère. Ni vya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni vya kweli dada. Comme nous vous l'avons montré hier. Pare tulimeonesha jana. La femme a été créée pour l'homme. Mwanamke bali mumba juu ya mwanaume. C'est-à-dire, nikusema, elle doit être anapasha kuya à tout moment, kila wakati, dans toutes les circonstances, yote, à la disposition, tayari, au service kukazi de l'homme. Ya mwana. Une véritable femme mwanamke bibi wa kweli est entièrement au service de son mari kazi ya bwana yake mukila wakati sur tous les plans mu mambo yote dans tous les domaines du mariage kazi yote ya ndoa sexuel ikuwe mwili ikuwe mfaraja le reconfort ikuwe mkumtia nguvu et doit être disposé anapashi kwa tayari. C'est pourquoi il a été créé jokomana aliumbiwa. Quand l'homme retourne du travail, wakati bwana anatoka mkazi, il doit être réconforté. Anapasha bamutie ko nguvu. Voilà. Pas l'homme rentre du bana travail. Bwana anarudia mkazi. Ona mpokelea na mambo. Vous l'approchez avec des problèmes. Il y a des femmes qui ne sont pas sages. Des insensés. Bapumbafu. Bwana kingari yenye. À peine d'arriver. Il n'a même pas encore ôté ses chaussures. Tu vois. Quand nous sommes restés là. Regardez tout un tas de rapports. C'est insensé. Ni bupumbafu. C'est là Dieu avait châtié la femme de Frère Branham. Nous avons eu à la prédication, fatigué qu'il était, et là où ils sont restés à la maison, Billy Paul avait manqué du respect à sa mère. Namuile Kasirani, il n'avait même pas encore se reposer, et à peine de s'asseoir, Meda arrive. Voyez Billy. Banam avec la fatigue, chérie, pendo. Calme-toi. Nous allons voir ça après. Non, ouais, je vais le monter. C'est comme ça que tu as toujours été. Tu défends toujours tes enfants. C'est pas que je n'avais pas engendré Anapika Kimulango. Frère. Duku. Il est parti en colère. Anenda Mwile Kasirani. Quand il est sorti, et moi, Katia, il tout Kameda. Dieu est venu. Mungu anakuwe. Namwambia Frère Branham aseme. Il dit à Nduku Branham. Omwete Meda. Appelle Meda. Musome histoire ya Marie. Lisez l'histoire de Marie. C'est Dieu qui avait frappé de la lèpre à Marie. Il voulait intervenir. Savez-vous que Meda allait mourir, Mugwar Mpikaka? Parce qu'il avait manqué le respect. Ça va voir Kosa Kadabu à son mari. Kobranaki. Qui était un serviteur de Dieu. Oulari comme Tumishuamu. Voyez bien, mes frères. Munaona ndukumpendo. Quand le mari rentre, mwakati bwana narudia kunyuma, on doit le recevoir unapasha kumkaribisha, avec joie, na afura, avec douceur, na upole. On doit chercher à consoler. Unapasha kutafuta kumfariji. Zaidi zaidi, mbashe qui travaille chez les diables des Chinois. Baba Chinois. Ils sont en train de travailler des choses très pénibles, sans repos, bila mapumziko. Et il rentre à la maison. On est assis à Kounyumba. Tu arrives maintenant avec tout un tas de problèmes. La femme est une colombe. Dans la seconde venue. Une femme est vertueuse. Elle est douce. Elle est intelligente. Elle a de la retenue. Elle sait quand parler. Quand se taire. Elle sait se comporter. Elle ne s'irrite pas n'importe comment. Elle sait que son mari est un chef. Devant un chef. On ne parle pas n'importe comment. On ne dit pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quel caprice. Au paragraphe 75. Je crois que c'était dimanche matin que dimanche je parlais des vertus de la femme. Combien c'est une bénédiction. Qui pourrait trouver en rentrant fatigué chez soi quelque chose de plus doux qu'une femme que Dieu a donnée à un homme? Quand Dieu a donné une femme à un homme, l'homme et la femme sont inséparables. Ils sont un. À la création, Dieu les avait d'abord créés ensemble. Ils sont un même cœur. Ils sont une même âme. Ils sont un même esprit et tout. Quand il y formait l'homme de la poussière de la terre, il les sépara de son épouse quand il a formé Ève. Il ne s'est pas mis à former, à former la femme, en prenant une autre quantité de poussière. Mais elle prit une côte du côte d'Adam et a fait une épouse pour ce dernier. Et l'homme dit, voici, maintenant, l'os de mes os et la chair de ma chair. Ils étaient un de cœur, d'âme et de corps. Les mariés doivent être un de cœur, d'âme, et de corps. C'est vrai. Au paragraphe 78. Allez jusqu'au paragraphe 81. Eh bien, quand Dieu fit donc cette épouse, elle était une compagne. C'est-à-dire, celui qui partage les mêmes sorts avec son mari. Quand Quand on utilise wakati, banasema, compagne, compagne, la femme mwanamuke, représente celle qui partage le même sort. Mateso, mangaïko, ma sentiment, les sentiments, ma sentiment, il y a froid, il y a mangaïko. La femme participe à cela. C'est en cela qu'elle est une aide. Ni mwile wakati mwanamuke asema musada. Si on l'appelle compagne, qu'il fasse chaud ou froid, il doit être là. C'était pour lui quelque chose à aimer. C'était une partie de lui-même. Dieu a donné à séparer la femme de l'homme comme quelque chose que l'homme lui-même doit aimer. C'est la raison pour laquelle la Bible dit celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est eux qui haïssent leurs femmes. C'est eux qui sont capables d'insulter leurs femmes. Maintenant, écoutez bien. Un homme ou une femme mwanaume, wala mwanamuke, ne peut jamais aller au ciel sans être né de nouveau. Bila kuzali koma la pili. Pour que vous compreniez. Jumuelewe mzuri. Aucun homme akuna mwanaume ne peut aller au ciel ula nawezi kwenda kumbingu aussi longtemps wakati yote il n'aime pas sa femme asipende bibi yake comme une partie de lui-même sawa sehemu yake. Amen. Pour appartenir au corps de Christ, Dieu a kuingia mu mwili ya Kristo, kwa mwili ya Kristo, unapasa kuzaliwa kwa mara ya pili. La nouvelle naissance, na kuzaliwa mara ya pili, fait de nous une partie de Christ, tunakuwa sehemu ya Kristo. Frère Ote, tout frère, et qu'on a tchambou la Bible, qui insulte, et qu'on a zarao Bible, qui critique, et qu'on a tel soit Bible, qui fait souffrir, et qu'on a pique à Bible, qui tabasse sa femme, attendaka kumbingu, il n'ira pas au ciel. Il n'est même pas né de nouveau. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il faut absolument qu'il y ait une relation qui vous unit. Christ et vous, jusqu'à ce que vous soyez un, vous devenez un. Comprenez-vous cela? Pour que l'homme aille au ciel, pour que la femme aille au ciel, il faut que la femme se sente une partie de son mari, et que le mari sente que ma femme est mon propre corps. Imaginez-vous que vous rentrez chez vous la nuit, fatigué, mwenye kuchoka, là, upale, épuisé, mwenye kuchoka, mwenye kuchoka, voyez, mwenye kuleke, et épuisé, na mwenye kulekea, mwenye kuchoka, que kabisa, vous soyez fermier, upate mécanicien, kufermer, prédicateur, mubi, peu importe votre métier, en rentrant, lorsque vous rentrez dans votre petite maison, vous brûlez ardemment ukuna de pouvoir kabisa, atteindre votre domicile. Vous ouvrez la porte. Vous trouvez une douce petite femme qui vous accueille. Qui vous accueille. Elle est toute jolie et nette. Elle s'approche de vous. Elle vous donne un baiser sur le joue. Elle dit, papa, papa, comme tu es fatigué, unachoka sana, tu es trop fatigué. Elle vous fait asseoir sur une chaise. Elle s'assied, elle-même sur vos genoux. Elle commence à passer ses bras autour de vous. Elle vous caresse. Alors, vous avez l'impression que vous n'êtes pas fatigué du tout. Quelque chose vous réconforte. La femme est quelque chose que Dieu vous a donné dans ce but-là. C'est une partie de vous-même. Si donc, elle est une véritable épouse, voyez bien les mêmes frères. Non, on a un peine. C'est pourquoi. Je commande. Kamabouana, si le mari anenamukaji, il part au boulot. Et comme ça fait, il est en voyage, il est au champ, toi tu restes à la maison, toi la femme. Tu vois qu'à 16 heures ici, mon mari est sur le point d'arriver. Lave-toi. Oint-toi. Voilà un peu de parfum. Habille-toi correctement. Et lorsque le mari va arriver, que tu puisses un peu lui accueillir. Toi tu es propre, ça, lui sale. Mais toi tu puisses l'accueillir étant propre. Le mari rentre à la maison, il arrive à la maison, et c'est la femme maintenant, elle quitte avec la poussière qu'elle était en train de tamiser la farine. Non. Pas non. Elle doit avoir l'apparence qui console son mari. Où le coup n'a farine d'Ibouana. Vous avez votre mari avec les cheveux en désordre, là, avec la morve au nez, avec la morve au nez, avec la salive qui sort. Le pain que tu as apporté dégage l'odeur du poisson, les poissons salés, les Thompson. Non, frère. Panadada, panadada. Soyez présentable quand on arrive. On est quand même quatre fois là qu'on a fika. Quand elle rentre, quand elle rentre, et on a rudia. Qu'il te trouve joli. À coup de coco en murembo. C'est que frère Banam dit. Cette petite femme est jolie. Muzuri murembo. Claire. Et coco à safi. Claire net. Claire net. Mwenye kunawa mai mzuri. Et c'est déjà lavé correctement. Anakukuta kali kwembe avec le pagne qui dégage l'odeur des caca des urines des enfants. Non. Panadada. C'est ton chef. Ni chef yako. Tu dois te présenter. On a pas suffi quoi rumbele yake. D'une manière propre. Munama ya safi ya mzuri. Anakuta kukuka. Même s'il entre avec ses amis, il dit. Non, c'est ma femme. Vai, c'est ma Bibiangu. Femme. Bibiangu est où? Ah, non, il arrive à la maison. Il a honte à couper connaître sa barafiaki. Non, frère. Panadada. Non, ma soeur. Panadada yangu. Ce sont des choses Nibi, qui amènent les repos dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme. Ça réjouit son cœur. Il a fait chaque ya. Ah, kuikala que mwanamu ke mubaya. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de mauvaise femme. Avec caractère. Si tu étais une mauvaise femme, ton mari ne pouvait pas te marier. Plus jolie, la reine malikia, de sa vie. Wa maisha yake. Celle qui réjouit son cœur. Celle qui a enivré son cœur. Celle qui a enivré son cœur. Elle n'a pas d'autre. Ana na bengine. Kama ko question ingine. Si, il y a d'autres questions. Question ingine na shirishaka. Il y a d'autres questions qui est née. Mais pour les abois na semaine. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi nous lisons les questions? Pourquoi vous prenez maintenant quoi que j'ai connu? Pourquoi me poser cette question? Comment est-ce que j'ai doté pour toi si je t'avais pas aimé? C'est dans la production. Est-ce qu'on t'avait amené par force chez moi? Si tu ne le coupes pas. C'est parce que je t'avais aimé. Tu es dans ma maison, c'est parce que je t'aime. Il est ma question, ce sont des questions diaboliques. Ce sont des questions pièges. Yamiteko. Mais cela ne peut pas empêcher. Mais il a Jésus que l'homme dise à sa femme. Mwanaume a bien boana qui est bien resté maintenant peine. Pas comprendre mal. Panako il est habitué Mubaya. Voyez frère. Non Nanduku. Même quand nous présents, nous venons devant Christ. On vient quand même propre. C'est pourquoi la repentance est obligatoire. Quand vous commencez la prière, Seigneur, pardonne-moi. Je suis un homme faillible. J'ai fait certaines choses. Des fois, inconsciemment. On s'amène devant Dieu propre. Vous ne pouvez pas vous amener devant Dieu. Si vous êtes du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dois être lavé par la parole. Par le sang. Tu t'arranges. Avant de croiser Bela Kubumbana, le Seigneur, Nabwana, frère, Nduku, avant que l'onction du Saint-Esprit puisse que tu puisses parler à l'âme, que tu puisses entrer dans la présence de Dieu, tu dois d'abord être propre, tu dois être pur. On n'a pas ça qu'on a kumbele à Mungu, ça, on a mouké mouzuri. Une femme qui s'est mouké, ou la ritoubou, un homme qui s'est mouké, on a oumé ou la sakoutoubou. Quand tu viens avec ton adultère, avec le mensonge, avec le vol, avec la colère, avec la haine, Dieu ne peut pas te recevoir. Et quand le mari est sur le point d'arriver, tu mets un peu de parfum, un uncato. Quand tu es en train d'embrasser ton mari, tu dégages l'odeur de poisson salé. Non. Pas non. Ça c'est comme on a couru pour ça, c'est non non. On a. Maintenant si les maris te retrouvent, j'étais parti de l'aventure. Mais il y en a même des poussées. Jésus ne te recevra pas. Il va te repousser. Maria, le signal rouge de sa venue. Kurudia quoi? Signal rouge de sa venue. Alama mokundu ya kurudia quoi? Remarque. Tazame. Paragraphe 100. 113. Remarquez. Pourtant, Diap. À part le salut, Dieu n'a rien pu donner à l'homme de meilleur qu'une brave femme. En dehors du salut, la meilleure des choses que Dieu a donné à la femme, a donné à l'homme, c'est une brave femme. Personne ne peut. Ne peut, comme elle, réconforter un homme lorsqu'il est fatigué. Il ne se confiera jamais à qui que ce soit comme à sa femme. Et vous, frères, vous pouvez vous estimer que si vous avez une gentille femme qui est pure, droite, morale, et qui peut vous parler, quand vous rentrez fatigué à la maison, elle peut vous faire plus pour vous. Que n'importe qui d'autre. C'est vrai. Elle est un joyau. Un joyau. C'est un don. C'est un joyau. Elle est une reine. Ni Malikia. C'est vrai, frère. Ah, ndiakweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Dada. Et la femme na bibi, et l'homme aiment cela. Na bwana na penda kabile. C'est vrai, frère. Muna bia kweli nduku. Sur les ailes d'une colombe. Pa mabawa ya njiwa. Verset paragraphe 21. Nous taquons à ma colombe. La colombe. Njiwa. Elle est symbole de la paix. Pour chaque nation. Njiwa kila inchi. Pourquoi cela? Njiwa nini? C'est à cause de sa douceur. Kwa ajili ya upole yake. Et de son innocence. Na kukosa kwa mambo kwake. C'est ce que fait. Njiwa que symbolise la paix. Iko na lazi inonekanisha salama. Une autre chose au sujet de la colombe. Kitu kingine juu ya njiwa. C'est un oiseau cansenier. Ni ndeke cansenier. Qui aime rester à la maison. En outre, elle reste toujours fidèle à son compagnon. Les colombes ne quittent jamais. Elle ne se quitte jamais. C'est vrai. C'est une, elle a des vertus. Elle est honorable. Elle apporte la vertu. Elle a une grande responsabilité. Elle est toujours fidèle. Elle ne quitte jamais. C'est vrai, frère. C'est une vraie épouse. Une véritable colombe. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Voyez bien mes frères. Non, on a un c'est ça être une femme. Jo, wanamuke. Quand une femme a un tel et quand un homme a une telle femme. Wakati mwanaume na bibi wa hivi. Mais il sera en paix. Ata comme salama. Oye bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. C'est pourquoi? Njoko maana. La Bible aussi. Biblia nayo. Exige aux hommes d'être sages. Inalazimisha kubanaume babwana apate kuna hekima. Pour entretenir cette paix. Juu ya kutengeneza ile salama hiyo. Les hommes doivent être sages. Babwana napaswa kuwa hekima. Dans leur comportement. Namna yabo ya kutenda. La Bible ne dit pas. Dans Proverbe 11. Mezali. Proverbe 11. Mezali 11. Proverbe 11. Mezali 11. Dans son verset 29. Celui qui trouble sa maison héritera le vent. Et l'insensé sera esclave de l'homme sage. Kibwana kibumbafu. Un mari insensé. Lui, il tonne même là où il n'y a pas de problème. Comment tu peux vivre avec une femme? Que toi tu n'aimes pas. Tu ne sais pas te comporter. Il y a des hommes, des hommes qui ne devaient pas se marier. À cause de sa haine envers sa femme. Tout ce que la femme fait n'est pas kabibaye. Ce n'est pas toujours correct. Il n'y a aucune chose que la femme peut faire qui peut réjouir son cœur. Ça, c'est un méchant. Il est niromubaya. Niromubaya. Un méchant mari. Ne voit jamais le bienfait que sa femme lui fait. Et on en fâche. La méchanceté. Romubaya. Voilà cet homme qui va hériter les, qui détruit sa maison. Voilà un tel homme qui va hériter le vent. Un homme insensé trouble sa maison. Il n'est pas sage. Il ne comprend pas que la femme est un sexe plus faible. Qui a besoin d'être supporté. Qui a besoin d'être secouru. On a dit, on a prêché, elle est une colombe, elle est une colombe. Ya kusema ni njiwa. Non, frère. Pana nduku. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. On va continuer demain. Taendelea kesho. Levons-nous pour la prière. Tushimame njia kuomba. Les maris doivent être des hommes. Pas des bandits. Bana pashkwa bana umi. Un mari bandit. Bana mjambazi, bwana mjambazi. Kaje ko munyumba ni pa ku exploiter ma faiblesse ya bibi. Son travail dans la maison ni kwenda kutafuta pa mabuzaifu de la femme. Kama bwana bibi anakotola. La femme elle commet un peu d'erreur là. Quoi que ni mwimbo. Pour lui là c'est vraiment un cantique. Non frère. Pana nduku. Non ma sœur. Pana dada. Alifanya kaivi. Elle avait fait ça. Elle a fait ça. Tu es une mauvaise femme. Elle n'a pas quelque chose de bon. C'est de l'ingratitude. Faire. L'ingratitude accompagnée de la méchanceté. Quand tu ne sais pas préparer. Dieu m'a inspiré à Boucharati. C'est ça, les esprits d'adultère. Les esprits de prostitution. Prions. Tombe. Père Céleste.